Fais pas ci, fais pas ça, fais pas tout ce que tu dois pas. Viens ici, mets-toi là. Attention, on prend pas froid. Ou sinon, gare à toi. Mange ta soupe. Allez, brosse-toi les dents. Touche pas, ça fait dodo. Dis papa et dis maman. Qu'est-ce que t'as renversé? Ferme les yeux, ouvre la bouche. Ronge pas tes zombies là. Va te laver les mains. Ou prends pas cucu. Ne traverse pas la rue. Laisse ton père travailler. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas tout ce que tu dois pas. Ouais. Viens donc faire la vaisselle. Arrête de te chamailler. Réponds quand on t'appelle. Ouais. Sois poli, dis merci. La dame laisse sa place. C'est l'heure d'aller au lit. Faut pas rater la classe. Classe, classe, oh. Tu me fatigues, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir. Pampan cucu, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas tout ce que tu dois pas. Yeah. Rien, tu vas recevoir une baigne. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne? Pour ton bien, si tu fais rien de meilleur, tu finiras balayeur. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas tout ce que tu dois faire. Fucking baigne.